Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille, dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Louis Pasteur, une série d'Olivier Chomel réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a l'aventure de la vaccination et l'archétype du grand homme devenu statue. Alors forcément, on a envie de gratter un peu pour comprendre de quel métal elle est faite et comment elle a été sculptée. Alors pour commencer, les personnages. Une guide habitée, un faiseur de miracles qui chose du 37, un jeune homme romantique, un beau vieillard des pasteuriens, un biologiste des archivistes et une spécialiste de madame. Ensuite, le décor. Un dictionnaire relique, un institut, une chapelle néo-byzantine, d'anciennes colonies, un appartement figé dans le temps, un jardin, arbois, du lino et un bilboquet. Aujourd'hui, quatrième épisode de la grande musique pour un grand homme. Bien sûr, bien sûr. Oui, il faut. Le troisième étage n'est pas accessible au public. Mais c'est plutôt accessible aux chercheurs. Il va vous montrer le dictionnaire. Je ne sais même pas où c'est qu'il a été reposé. Le nouveau vocabulaire ou dictionnaire portatif. Mais ce qui est d'important de la langue française, ça a appartenu sans doute au père de Pasteur. Mais surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que Pasteur a marqué avec toutes les fautes d'orthographe. Ce dictionnaire, je cite, hein, il manque le C, appartient avec un seul P à Pasteur, Arbois. Celui Tiamissa. C'est Louis Pasteur. Ça, c'est une véritable relique. Alors, c'est bien sûr pas cette année. Pasteur enfant qui écrit ça ? Bien sûr, c'est le dictionnaire de Pasteur pendant son enfance. Et ici, dans la bibliothèque, sont conservés les prix de narration, d'algèbre que Pasteur a eu au Collège d'Arbois, ainsi que les prix qu'il a eu au lycée de Besançon. C'est une édition de 1803. Voilà. Donc, c'était sans doute aussi au départ le dictionnaire de son père. Peu d'hommes sont à ce point honorés dans nos villes. Pasteur a d'innombrables rues, des lycées à son nom, des statues un peu partout, souvent grandiloquentes, voire kitsch. Celle de Lille figure une femme éplorée, tendant son enfant malade au sauveur. C'est poignant. Louis Pasteur aura été un savant itinérant, se rendant personnellement sur les lieux où ses sujets d'études exigeaient sa présence, à Strasbourg, Lille, Alès, Clermont-Ferrand, Marne-la-Coquette où il est mort, et bien sûr dans son Jura natal. Souvent, là où il est passé, on a cherché à conserver la mémoire du savant. Et les musées Pasteur sont, importants ou plus modestes, nombreux. La tentation du fétichisme existe bel et bien, et l'idolâtrie, le culte de la personnalité, l'adoration mystique du demi-dieu se pratiquent encore. Il y avait une jeune femme qui faisait visiter le musée Pasteur de Paris. Ses yeux s'illuminaient d'une flamme très étrange lorsqu'elle racontait son grand homme. Mais l'essentiel est ailleurs. À l'Institut Pasteur de Paris et dans la maison familiale d'Arbois, par exemple, on s'est efforcé de garder au lieu l'aspect qu'ils avaient au XIXe siècle. Et c'est tant mieux, la muséographie moderne, qui vieillit mal en général, a parfois tendance à dénaturer les souvenirs. On y trouve les objets les plus intimes qui, associés à des fonds d'archives précieux, constituent un support de choix pour l'historien des sciences. Une des fondations qui ont le plus contribué au prestige mondial de la France, et sans conteste, l'Institut Pasteur. Né des travaux d'un savant génial, Louis Pasteur, l'Institut qui porte son nom rayonne toujours d'une vie aux aspects multiples, et plus ardente que jamais. L'Institut Pasteur, aujourd'hui, est un des plus solides piliers de nos activités scientifiques. Cette visite dans des différents services de l'Institut Pasteur, par l'intermédiaire du micro, ne pourra sans doute que vous donner une idée imparfaite de cette ville minuscule, tout entière érigée pour le bien de l'humanité. Mais les hommes que vous entendrez sont tous des savants, dont les travaux immenses ont continué sans relâche sur la route merveilleuse, tracée par Louis Pasteur, pour lutter contre les infiniment petits, les fameux microbes qui savent si bien être ou néfastes et très souvent mortels pour l'homme, ou au contraire jouer pour lui un rôle infiniment précieux. Alors ça y est, l'air est remonté. Oui, le contrôle d'air est remonté. Donc ça là, on peut y aller pour la pression. Oui, pression 4,5 kg. Si Pasteur est allé étudier les microbes un peu partout en France, il est largement surpassé, en matière de nomadisme, par beaucoup de ses disciples. Les Yersin, Roux, Nicole, Calmette et tant d'autres ont été de grands voyageurs, d'intrépides explorateurs des maladies infectieuses les plus redoutables, créant des instituts Pasteur très loin au-delà des mers, marchant respectueusement dans les pas du maître, portant l'esprit du fondateur sur tous les continents. La démarche, si elle peut paraître un peu intrusive, procède avant tout d'une louable quête de connaissances et d'un humanisme sincère. Au fronton de l'Institut Pasteur de Dakar, par exemple, on peut d'ailleurs lire l'inscription suivante « À Pasteur, l'Afrique noire reconnaissante ». Après Pasteur, célébration et continuation du grand homme. Olivier Chaumel, Rafik Zénine. Ah, c'est un vrai cimetière, l'Institut Pasteur, parce que Pasteur est enterré là, Madame Pasteur, Roux dans le jardin, et il y a deux urnes avec les cendres de Menchnikov et du professeur Volman, qui était le filleul de Menchnikov. Alors on se propose, Muriel Hilliersoul, vous êtes conservatrice en titre du musée Pasteur, et Annick Perrault, vous l'avez été pendant une trentaine d'années, d'aller voir un extraordinaire monument, rue du Docteur Roux, Paris 15e, le tombeau de Louis Pasteur. C'est par ici. Voilà. À droite et à gauche. Voilà, c'est ça, tout de suite à droite et à gauche. Attention, effet de surprise. Une grille en fer bravée. Et une chapelle en contrebas, un peu byzantine. Complètement néo-byzantin, néo-byzantin, qui s'est inspiré du mausolée de Galla Placidia de Ravenne. Donc c'est dire les mosaïques en or et mosaïques très vivement colorées qui représentent tous les travaux de Pasteur. Donc là, on est au cœur du symbole, à la fois le symbole Pasteur dans une chapelle. Il y a très peu d'hommes célèbres à qui on a attribué un mausolée de cette importance. Et qui, de plus, sont enterrés chez eux. Et aussi chez eux. Comment ça s'est passé, ça ? Parce que j'ai l'impression qu'en 95, quand Pasteur est mort, la nation a un peu souhaité se l'accaparer. L'idée devait circuler de le panthéoniser. Et puis finalement, on lui a construit cette crypte en un an à peu près. Oui, c'est un an. Pasteur est mort en 1895, le 28 septembre. Et donc, il a eu des obsèques nationales que le gouvernement a souhaité. Il y a eu une grande cérémonie à Notre-Dame de Paris avec le parcours funèbre de l'Institut Pasteur menant jusqu'à Notre-Dame et toute la foule des Parisiens et des Français qui étaient aussi sur le parcours. Un cortège extraordinaire, à l'égal d'ailleurs de celui qui avait été rassemblé pour 10 ans auparavant pour Victor Hugo. Et donc il a été... Son corps est resté à Notre-Dame pendant un an, pendant qu'on construisait cette crypte. Et effectivement, le gouvernement avait souhaité lui réserver le Panthéon, et c'est la famille qui a tenu à ce qu'il reste dans son institut. La réverbération nous donne une idée de la géométrie des lieux. On est dans du marbre. Et puis la voûte aussi, alors vivement dorée, donc avec toutes les tesselles de mosaïques dorées, dorées à la feuille. Et puis les grandes figures, les quatre anges qui dominent le tombeau et qui sont donc sur la coupole, représentent les trois vertus théologales, la foi, la charité, l'espérance, auxquelles, bien sûr, pour Pasteur, on a ajouté la science, vertu majeure pour Pasteur. Et donc là, vous avez ici, dans ce cartouche, un extrait du discours de Pasteur quand il rentre à l'Académie française, qui a été choisi par la famille, puisqu'on est bien d'accord, Pasteur ne savait pas qu'il serait inhumé dans une crypte au cœur de l'Institut Pasteur. Hein. Vous pouvez le lire. Heureux celui qui porte en soi un Dieu, un idéal de beauté et qui lui obéit. Idéal de l'art, idéal de la science, idéal de la patrie, idéal des vertus de l'Évangile. Est-ce que vous pouvez me dire le sentiment que vous avez eu la première fois que vous êtes entré ici ? Moi, la première impression, je l'ai gardée encore en mémoire, c'est une grande et intense émotion. Parce qu'on m'avait raconté qu'il y avait une crypte avec des mosaïques. Alors, j'étais loin d'imaginer, évidemment, ce que ça représentait. Donc, je suis restée sur le pas de la porte avec... une grande émotion. Oui. En quoi consistait-elle, cette émotion ? C'était rentrer dans ce mausolée, puis il y avait Pasteur. Pour moi, Pasteur, c'est quelqu'un d'immense. Donc, approcher le tombeau de cet homme que j'allais servir pendant près de 30 ans, mais c'est quelque chose de très profond, d'extraordinaire. Il se trouve, et c'est fortuit, que l'enregistrement qu'on fait aujourd'hui pour cette série d'émissions est à quelques jours de l'anniversaire de la mort de Pasteur. Alors, tous les 28 septembre, depuis la date anniversaire pour célébrer la date anniversaire de Pasteur, d'abord, au départ du vivant de Madame Pasteur, il y avait des messes qui étaient données dans cette chapelle. Puis par la suite, les messes ont été un peu oubliées, mais il y a une tradition qui dure et qui consiste en un rassemblement des pastoriens autour du directeur, de toute la direction. Enfin, c'est une cérémonie très, très simple. Hein. Les tombes de Pasteur, de Madame Pasteur, du docteur Roux qui est aussi à l'extérieur sont fleuries. Et puis, après la petite intervention, le petit speech, le directeur en tête donc fait le tour de la tombe de Pasteur, suivi de tous les pasteuriens. C'est très recueilli, tout ça. C'est très recueilli, mais très, très simple. Avec, Et il y a en plus une petite minute de silence. Exact. Elle serait bien belle à écrire, cette histoire des pastoriens qui, depuis 50 ans, ont essaimé sur le monde. Leur vie est faite de courage, de dévouement, d'abnégation. Formés aux disciplines de la maison de Pasteur et de Roux, ils vont joyeux, créés dans la brousse, sous les climats hostiles, parmi les maladies meurtrières, ces laboratoires ou ces instituts qui sont les auxiliaires les plus précieux de notre pénétration pacifique, parmi les populations de l'Afrique et de l'Extrême-Orient. On peut dire que l'Institut Pasteur et ses filiales ont bien mérité de la France et de l'Empire français. Michel Morange, on cherche à caractériser l'esprit pasteurien, s'il existe. Je suppose qu'il existe. En quoi consisterait-il ? Je vous pose la question parce que vous n'êtes pas pasteurien, quoique ayant travaillé à l'Institut Pasteur. Donc vous ne risquez pas de briser les tabous d'une éventuelle société secrète. Mais l'esprit pasteurien, c'est un peu l'esprit qui associe à l'œuvre de Pasteur, en particulier dans le domaine de la microbiologie et de l'étude des microbes et des microbes pathogènes. Quelle a été l'originalité de Pasteur ? C'est d'associer la recherche, donc la mise en évidence de ces microbes, leur caractérisation, avec l'enseignement. Très vite, Pasteur a voulu que ces nouvelles connaissances microbiologiques soient enseignées et il pensait, à juste raison, qu'elle ne serait pas rapidement enseignée dans l'université, donc il fallait prévoir une nouvelle forme d'enseignement. Et puis, il fallait aussi qu'elle diffuse rapidement vers la population, à travers, par exemple, les vaccins. Et donc, il fallait qu'on puisse produire à bas prix des vaccins pour vacciner une large partie de la population, ou après des anticorps pour lutter contre des maladies comme la diphtérie, et que ceci ne devait pas être limité à la France, mais devait vraiment diffuser dans le monde entier, bien sûr dans les territoires qui appartenaient à la France à l'époque, les colonies, mais aussi dans d'autres pays. Donc ce qui va donner quoi? Ça va donner un institut Pasteur qui rassemble recherche, enseignement et, au départ et pendant très nombreuses années, production de vaccins et même centres de vaccination. Et ça va donner ces fameux instituts Pasteur appelés d'abord d'outre-mer et puis qui vont devenir ensuite le réseau des instituts Pasteur. Et à juste titre, je pense que la direction de l'Institut Pasteur ces dernières années a essayé de remettre ce réseau des instituts Pasteur au cœur de l'activité des pasteuriens, en particulier en faisant que tout jeune pasteurien doit séjourner pendant un certain temps dans un des instituts du réseau, autre que la maison mère, de manière à découvrir justement l'identité de ce réseau. Et ça, je pense que c'est une excellente mesure. Plus peut-être découvrir aussi des formes de sciences qui sont moins sophistiquées, où on a moins d'appareils qu'à Paris, mais où finalement on se heurte plus vite à des problèmes concrets à résoudre au terrain. Jean-Pierre Dedet, vous vous sentez héritier de Pasteur. Vous avez fait un tour du monde des instituts Pasteur d'outre-mer, comme vous les appelez, des filiales lointaines de l'Institut Pasteur, à Tunis, à Alger, à Dakar, à Cayenne. De nos jours, il en existe une bonne trentaine. Du vivant de Pasteur, il y en avait déjà 4 ou 5. Comment est-ce que ça s'est fait? Et à la faveur de quoi, dans un endroit donné, on a décidé de fonder un établissement, un institut Pasteur? Du vivant de Pasteur, il y en a eu à peine 2 ou 3, si vous voulez. Le premier, ça a été l'Institut Pasteur de Saïgon, en Indochine française, à la demande de Pasteur lui-même, en 1891. Puis il y a eu l'Institut Pasteur de Tunis très rapidement. En général, ces instituts Pasteur ont été créés soit comme des centres de vaccination antirabique, soit, comme à Tunis par exemple, ce sont les viticulteurs du coin qui ont demandé à Pasteur d'installer un laboratoire pour les fermentations. Dans bien des cas, ça se fait parallèlement aux expéditions scientifiques de certains disciples de Pasteur. Par exemple, Alexandre Yersin, le découvreur de Yersinia pestis, le bacille de la peste en Extrême-Orient. Oui, si vous voulez. Alors, effectivement, le cas Alexandre Yersin est un peu particulier. Alexandre Yersin travaillait avec Émile Roux et ils ont tous les deux découvert la toxine diphtérique, la toxine du bacille diphtérique, ce qui après va mener à la sérothérapie antidiphtérique. Mais Émile Roux était un homme qui était extrêmement aventureux et il a décidé de partir en Indochine comme médecin des messageries maritimes. Et il faisait le trajet régulièrement de Saïgon jusqu'à Hanoï sur les messageries maritimes. Et en passant devant la baie de Nha Trang, il a été absolument séduit par le site de Nha Trang. Il s'y est fait débarquer. Et puis, quelques temps après, il est parti comme explorateur. Il a fait 3 explorations de la chaîne anamitique en Pays Moy. C'était un véritable ethnologue. Donc, il avait quitté l'Institut Pasteur. Et il se trouvait en Indochine comme explorateur. Et il a été rattrapé par l'Institut Pasteur, puisqu'à ce moment-là, la 3e pandémie pesteuse a éclaté. Le gouvernement général de Saïgon a chargé l'Institut Pasteur, a demandé à l'Institut Pasteur à Paris de lui envoyer quelqu'un pour aller en Chine étudier cette pandémie de peste qui menaçait d'arriver sur l'Indochine française. Et donc, comme Yersin était sur place, c'est Émile Roux qui lui a demandé d'aller en Chine, et c'est comme ça que s'est enclenché, si vous voulez, la découverte du bacille de la peste par Alexandre Yersin, découverte non seulement du bacille de la peste, mais du rôle de réservoir du rat. Et c'est comme ça qu'il a fait créer, avec l'appui d'Émile Roux et de Pasteur, et qu'il a fait créer l'Institut Pasteur de Nha Trang, qui était un institut au départ qui était destiné à la production de sérums antipesteux. Yersin a eu une existence tout à fait remarquable. En Cochinchine ou au Vietnam, il s'est occupé d'agronomie, ce qui n'est pas une activité principale à l'Institut Pasteur. Il a acclimaté les VA et le quinquina. Il a aussi fait faire des progrès à la production d'opium. Oui. Il a établi un procédé améliorant par une fermentation la maturation de l'opium. Oui. C'est étonnant, ça. Ben, c'est étonnant, si vous voulez. Non, pas tellement, parce que si vous considérez qu'une partie des travaux de Pasteur, au départ, ça a été l'étude des fermentations, eh bien, cette activité d'étude des fermentations, dans tous les pays du monde, elle s'est poursuivie, et Alexandre Yersin, oui, a travaillé sur la fermentation de l'opium, oui, tout à fait. Et alors, quel est le micro-organisme qui permet l'amélioration de l'opium par fermentation ? Alors, c'est une levure qu'il a appelée rouxie à la fin, mais je me rappelle plus le nom de genre. Mais le nom d'espèce, il lui a donné le nom des Milo. Voilà. De passage à Dakar, au cours de notre voyage avec les élèves de l'école de l'air, nous sommes allés rendre visite à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur de Dakar est un très bel immeuble moderne avec de larges baies vitrées qui font face à la mer. Il se trouve d'ailleurs dans un des plus beaux quartiers de Dakar, sur la corniche. Et son jardin est fleuri de bougainvilliers et de flamboyants. L'Institut Pasteur de Dakar est célèbre puisque c'est là, vous le savez, je pense, qu'on a trouvé le vaccin contre la fièvre jaune. Et il n'y a pas si longtemps encore, Dakar était le seul endroit de France et de l'Union française où l'on fabriquait ce vaccin. L'histoire des Instituts Pasteur d'Outre-mer, Jean-Pierre Dedet, est indissociable de l'histoire coloniale française. Ben, je le dirais pas comme ça, parce que... Écrivez, à peu près. Oui, si vous voulez. Mais il faut pas oublier non plus que s'il y a beaucoup d'instituts pasteurs qui ont été créés dans les colonies françaises, au moment l'extension de l'empire colonial, et même on l'utilisait en quelque sorte, ils ont été utilisés comme arme de colonisation, il faut le reconnaître. Mais il faut pas oublier non plus que vous aviez des tas d'instituts pasteurs, de nombreux instituts pasteurs qui ont été créés dans des pays de tout temps indépendants. Vous avez les instituts pasteurs en Belgique, l'institut pasteur du Brabant qui a été créé après la mort de Pasteur avec l'autorisation expresse de Madame Pasteur d'utiliser le nom de Pasteur. Institut Pasteur de Téhéran. Vous avez également l'Institut Pasteur de Grèce, hein, l'Institut Pasteur hellénique. Il y a eu un Institut Pasteur à Saint-Pétersbourg. Oui, voilà, oui, tout à fait. Vous avez donc un certain nombre d'instituts pasteurs. Mais alors, c'est vrai que beaucoup d'instituts pasteurs ont été créés dans les colonies françaises et en particulier en Indochine, l'Indochine française, où il y a eu jusqu'à 4 instituts pasteurs dans ce qui est devenu le Vietnam aujourd'hui. Ou également en Afrique du Nord, 4 instituts pasteurs en Afrique du Nord. En 2000, Jean-Pierre Dedet, vous avez publié un ouvrage intitulé « Les instituts pasteurs d'outre-mer, 100 ans de microbiologie française dans le monde ». Vous citez un des pionniers de ces aventures qui dit « Partout où pénètrent nos soldats et nos administrateurs, l'Institut Pasteur tient à l'honneur de les suivre et d'apporter dans notre immense empire colonial les bienfaits de la civilisation française sous la forme la plus touchante et la plus propre à gagner les cœurs ». Et un autre personnage, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Burnet, dit « Chaque colonie doit posséder son Institut Pasteur, c'est le premier des outils de colonisation ». Absolument. Absolument, c'est un. Les instituts pasteurs d'outre-mer se sont développés en particulier d'une façon remarquable dans le cadre colonial français. Oui, tout à fait. Je veux dire, c'est un héritage que on ne doit pas rejeter non plus, parce que si la colonisation a été ce qu'elle a été et que nous connaissons avec son cortège de barbarie, elle a été aussi un remarquable outil de développement, d'amélioration de la santé publique dans les pays dans lesquels ils existaient. Les instituts pasteurs ont rendu des services remarquables à l'hygiène dans les populations. En ce qui concerne les assez nombreux instituts pasteurs implantés dans les colonies françaises, comment ça s'est passé justement à la décolonisation, Jean-Pierre Dedet ? Alors à la décolonisation, tous les cas de figure ont été retrouvés. Vous avez des instituts pasteurs qui ont été fermés, purement et simplement, comme l'Institut Pasteur de Hanoï par exemple, au Vietnam du Nord à l'époque. Et qui a rouvert par la suite. Non, pas en tant qu'institut Pasteur, mais il est réouvert en tant qu'institut national de d'hygiène et de santé publique. Avec les mêmes buts, vraisemblablement. Pratiquement, oui, tout à fait. Il y a beaucoup, vous savez, au Vietnam, Albert Calmette, Louis Pasteur et Alexandre Yersin sont considérés comme des héros nationaux et ils ont gardé leur rue. Presque dieu. Presque. Yersin est un dieu. Yersin est un dieu, il a ses pagodes, etc. Mais les deux autres sont considérés comme des héros nationaux aussi. Voilà. C'est très amusant. Derrière l'Institut Pasteur de Niatran, vous avez un croisement de rue. Vous avez la rue Pasteur qui croise la rue Yersin. Nous venons de visiter une partie de l'Institut Pasteur de Paris. En passant dans les services, nous avons rencontré le professeur Noël Bernard, sous-directeur de l'Institut Pasteur. Le professeur fut un de ceux qui, avec Calmette, furent à la base de l'essaimage des multiples filiales de l'Institut Pasteur dans l'Empire français. C'est du vivant même de Pasteur qu'a été créé le premier des instituts au-delà des mers. C'est Pasteur qui a envoyé Albert Calmette en 1890 créer le premier Institut Pasteur colonial à Saigon. 4 ans plus tard, c'est M. Yersin, le docteur Yersin, qui crée l'Institut Pasteur de Niatran. Depuis ce moment, l'Institut Pasteur a essaimé dans toutes les régions de la France d'outre-mer, où nous avions planté notre pavillon. C'est ainsi que l'Afrique du Nord, l'Afrique orientale, l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, les Antilles, Madagascar, ont été le lieu de création d'établissements très prospères qui ont travaillé à la fois au développement des races indigènes et aux productions économiques du pays. Ils ont pratiqué sur une très large échelle la médecine préventive, qui est la formule médicale la seule vraiment applicable aux colonies. La France sait ce qu'elle doit aux pionniers de la santé qui sont allés, sous l'égide de Pasteur, développer au-delà des mers la propreté et l'hygiène. Mais nous continuerons notre visite en nous rendant dans un autre groupe de laboratoires. Moi, je suis émerveillée encore pour l'ensemble de ces recherches. Et encore, on découvre quelques facettes qui nous avaient un peu échappé. Donc, effectivement, il y a la passion et puis ce respect et cette admiration qu'on porte. On l'a appelé le bienfaiteur de l'humanité. Alors là aussi, beaucoup ont dit que c'était abusif et on revient au culte de la personnalité. Mais enfin, ce n'est pas un titre usurpé. Il a démontré l'origine des micro-organismes, pourquoi la fermentation. Il a découvert des remèdes pour contrer les maladies des vers à soie, les maladies des vins, la bière, les vaccins, évidemment. Donc, tous les animaux et les êtres humains lui sont extrêmement redevables. Il ne s'est pas économisé. Et non. Lui a un peu reproché. Enfin, il a l'obsession du travail. Ah ben oui, pour lui, le travail, c'est sa raison de vivre. Il n'arrête pas de dire « laboremus ». Travaillons, travaillons, il n'y a que cela qui amuse. Il avait repris la formule aussi de Bio, je pense. C'est un travailleur acharné, acharné. Le loisir, lui, est une notion étrangère. Les loisirs, en fait, c'est pas quelqu'un qui va sortir beaucoup au théâtre, au concert. Mais le loisir, c'est, il les prend surtout à Arbois, oui. Où il loue une voiture. Ils vont se promener dans les reculés. Il y va chaque année, bien sûr, dans la maison d'Arbois, donc qui est la maison familiale, la tannerie paternelle, qu'il avait racheté la part de ses sœurs. Il en a fait une très agréable maison de campagne. Donc il y passe tout l'été. Mais il n'empêche qu'il y crée aussi un laboratoire, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on sait s'il avait gardé un accent de là-bas ? Alors ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Mon pasteur quitte le Jura, bon, il y retourne évidemment. Il est à Strasbourg, puis à Lille, il revient à Paris. À mon avis, il a dû garder une petite pointe d'accent. Enfin, je me plais à le supposer. Et puis, on voit aussi un portrait là, de Pasteur jeune, parce que Pasteur n'a pas toujours été ce personnage austère, barbu. Mais il a été aussi ce jeune élève de l'école normale, très, très romantique. Très beau jeune homme, garçon, hein. Oui. Beau garçon, oui, absolument. Enfin, il est resté enfin, très beau garçon, mais ça a été aussi un très beau vieillard aussi. Alors, il y a aussi la maison natale de Dole, donc qui est là, encore une fois une tannerie, puisque son père était tanneur, et toujours au bord de l'eau, là, à Dole, au bord du canal des tanneurs, à Arbois, au bord de la rivière La Cuisance. Et ce sont deux maisons, donc Dole et Arbois, qui sont aussi converties en musées. Merci. Bonjour. Merci, Yann. Vous avez vu ce que j'ai retrouvé ? Le grand hasard. Oui, bah, ne favorise que les esprits bien préparés. Tout à fait. Et vous avez eu la gentillesse, Sylviane Sauge, de nous préparer un assez grand nombre de documents en rapport avec Pasteur Adol. Qu'est-ce qui vous aimait le plus, Sylviane Sauge, parmi les documents que vous avez étalés devant nous? Moi, ce que c'est, on y revient souvent, hein, notamment avec Alain, c'est les pensées de Pasteur. C'est un document qui a été réalisé par René Valéry Radeau, destiné à son fils, donc Pasteur Valéry Radeau, PVR. C'est un exemplaire unique. C'est un exemplaire unique, un manuscrit, un recueil des pensées de son grand-père que son père lui a fait réaliser pour lui offrir le jour de sa première communion. Voilà, en 1897. C'est enluminé. Comme les cartes ou les images pieuses que l'on offrait pour les communions solennelles ou les communions, premières communions. C'est à peu près l'esprit, oui. Sur graphiquement. Voilà, Vous lisez ça, Sylviane Sauge? Alors, une des pensées, si la science n'a pas de patrie, l'homme de science doit en avoir une. On a aussi un petit album, petit album de famille, un album de confidences. C'était des petits albums vendus comme ça, pré-imprimés. On doit répondre à quelques questions. Quelle est votre couleur préférée? Quelle est votre odeur favorite? Alors, si on prend la page réservée à Pasteur. Alors, le tout premier, Louis Pasteur, né à Dole. Donc. Ça, c'est de sa main? Ça, c'est de sa main. Mmh. Voilà. Il a donc rempli ce petit carnet le 21 janvier 1894. On peut y voir que son odeur favorite, la violette. Sa couleur préférée, c'est le rose. C'est le rose. L'animal qu'il trouve le plus sympathique est le cheval. Quel vice détestez-vous le plus? Le mensonge. Quelle est votre occupation préférée? Pensez à mes chers petits-enfants. Quel délassement vous est le plus agréable? M'entretenir avec eux. Quel est selon vous l'idéal du bonheur terrestre? Travailler pour eux. Et le long de la Cuisance, Philippe Brugnot, c'est la rivière qui coule à Arbois. Figure des stations avec illustrations et textes. Et évidemment, ça parle de Pasteur. Pasteur a lui-même écrit « Arbois, une ville qui m'est chère à tant de titres ». Forcément, on est imprégné de Pasteur à Arbois et ce circuit qui est tout récent, auquel j'ai collaboré, fait un parcours d'environ 2 km au cœur de la ville avec tous les lieux qui ont un souvenir pasteurien. Ça va du collège, des laboratoires. Pasteur a eu 3 laboratoires à Arbois, de la maison. C'est lorsque la maison a été donnée à la Société des Amis de la Maison Natale de Pasteur de Dole en 1936 que cette maison a été ouverte en musée, ce qui faisait 2 pôles Pasteur dans le Jura. La maison natale de Dole et la maison dite paternelle, mais la maison de Louis Pasteur à Arbois. Elle est grande, cette maison. Ah oui, c'est une belle maison bourgeoise hein, pour le 19e. Donc, une belle superficie. Aujourd'hui, on serait très heureux avec une famille de 5 ou 6 enfants ici. Sans problème. Sans problème. Sylvie Morel. Voilà, la maison de Louis Pasteur. Donc cette maison que vous allez voir, c'est la seule maison que Pasteur ait possédée au cours de sa vie. Elle a conservé son mobilier, les fauteuils, les tapis, les vitraux, les papiers peints, tout est d'origine. Et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt et la force d'évocation de ce lieu patrimonial. Et à l'arrière de la maison, il y a la cuisance, un jardin, le cours d'eau. Et la cuisance, ouais, qui était indispensable pour le père de Pasteur, qui était tanneur. De fait, Pasteur, il est resté très attaché à cette maison tout au long de sa vie. On On est entré par un salon assez vaste. C'est vraiment une maison du 19e. Hein. Il y a vraiment un parcours de progression au 19e siècle. On essaie vraiment de bloquer un petit peu les visiteurs suivant le degré d'intimité qu'on a avec eux. Donc on est un petit peu comme dans les livres de Proust. Hein. On va pénétrer jusqu'à la pièce la plus intime de la maison, la plus éloignée de la porte d'entrée, qui est ici le laboratoire de Pasteur. Donc là, on est dans une pièce... Salle de billard, c'est très familial, c'est très cosy, hein, il y a de la moquette au sol. Il y a un bilboquet sur la cheminée. J'aime beaucoup ces objets. Oui. Et j'imagine bien Louis Pasteur se délassant en jouant à ce jeu de la plus parfaite inutilité. Peut-être. Je ne sais pas si c'était vraiment Pasteur ou si c'était plutôt ses petits-enfants hein, qui jouaient à ce jeu. Alors bien sûr, Pasteur, c'est toute une aventure, c'est toute une histoire, et puis c'est en lien évidemment avec le coin. Et là, dans ce salon, on voit l'évocation par ce tableau de Jean-Baptiste Jupille. Jupille, c'est le deuxième enfant à avoir été sauvé par le vaccin contre la rage en 1885. Et on le voit se battant contre le chien enragé. Voilà, il est en train de tuer le chien qui lui a donné la rage. Et donc cet enfant, il est très cher au cœur de Pasteur et très cher au cœur des Jurassiens aussi, puisqu'il vient du Jura, hein, il vient de Villers-Farlay, un petit village qui est pas très loin d'ici. Alors c'est vrai qu'ici dans cette salle à manger, il y a déjà au sol ce tapis qui interroge toujours nos visiteurs, parce qu'on ne sait pas trop si c'est un tapis en tissu, si c'est du textile, si c'est de la mosaïque, et en réalité, c'est un superbe tapis en linoléum classé au monument historique. Et ça, je crois que c'est le plus fun de cette maison, le plus kitsch aussi. C'est du lino, tout simplement. C'est du lino. Hein. Alors bien sûr, ça a dû séduire Pasteur parce que c'était lavable. Et, bon, le père de l'hygiène devait être sensible à ce genre d'argument. Voilà, on aime le confort hein, dans ces maisons bourgeoises, Pasteur aussi. Et il va faire installer des éléments de confort comme ce poêle alsacien. Hein. Et évidemment, on aime recevoir. Pasteur à Paris, tous les dimanches soirs, il reçoit ses assistants, ses élèves. Et puis à Arbois, évidemment, il reçoit aussi un peu ses amis, ses intimes. Ça, c'est aussi dans les mentalités bourgeoises. Hein. On invite les intimes à la campagne hein, pour bien leur montrer qu'on est très proche d'eux. Hein. Si on les rapproche du milieu familial, c'est vraiment qu'on leur fait confiance. Donc Pasteur, il aime bien recevoir ici. Il aime mettre les petits plats dans les grands. Donc vous avez la vaisselle. Hein. Il y a vraiment un art de la table hein, qui s'est développé ici au 19e. Mais il ne touche pas à la cuisine. Non, bah c'est les domestiques hein, qui cuisinent à l'époque. Hein. Voilà. Et quoique Madame Pasteur, elle veillait quand même au menu hein, de son mari. Hein. On a comme ça de l'évocation de petites grives, hein, des perdrix, voilà. Cuisine avec amour, hein. Le vénard. Les gaudes aussi. Et les gaudes, la soupe de gaudes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quesaco, la gaude. Hein. Alors là, les gaudes, c'est de la farine de maïs torréfiée. Au 19e siècle, on faisait regonfler ça avec du lait ou de l'eau, hein, suivant les moyens, et ça donnait une soupe bien roborative. Ça, c'était la soupe préférée de Pasteur. Ce qui montre bien sa simplicité, hein, parce que je pense qu'à la fin de sa vie, il avait les moyens de s'offrir autre chose que des gaudes. Mais le soir, voilà, ça lui suffisait amplement, et il râlait toujours après sa femme, puis il disait, oh, tu me les as encore fait trop épaisse, tes gaudes, là. En Pasteur, c'est aussi un amateur de vin, hein. Et il a été l'ambassadeur des vins d'Arbois sur Paris et ailleurs. Hein. Et il aime bien mettre dans ses bagages des bouteilles de vin jaune, bien sûr, hein, qu'il appelle souvent le vin d'or. Allons-y gaiement. Hein. Il a même travaillé sur les vins. Hein. Mmh. Voilà. Et, il y a des pages sur le vin jaune, bah, notamment. Évidemment. Hein. Et là, dans ce placard, il y a justement une bouteille de vin jaune. De 1774 qu'il a bu en 1882 quand il est devenu membre de la... Ah bah oui, évidemment, hein, il est devenu membre de l'Académie française. Il l'a bu avec ses assistants. Semblerait qu'elle était très bonne. Hein. La bouteille a des petites sœurs, pleines. Ah. Ouais, certaines sont parties aux enchères. Hein. Il y en a une qui est partie pour la percée du vin jaune en 2011. Il fallait mettre 57 000 euros pour l'avoir. C'est pour rien. C'est raisonnable. On a fait de Pasteur un homme avant tout austère et qui travaille tout le temps. C'est pas faux. Agnès Descamps. Mais de temps en temps, il y a des événements où Pasteur est en complète contradiction avec cette austérité. Par exemple, on a dit qu'il mangeait très vite, qu'il prenait pas le temps de manger, qu'il mangeait très peu, une côtelette à 4 sous, etc. mais il faisait aussi partie d'une association de gastronomes parisiens. Mais dans le quotidien, c'est plutôt frugal. C'est plutôt frugal. Ce qui n'empêche pas qu'il y avait des dîners somptueux chez les Pasteur de temps en temps, par exemple des dîners d'artistes où Pasteur invitait tous les artistes de sa connaissance. Alors en général, c'était des jurassiens. Il aidait les artistes à condition qu'ils soient jurassiens et surtout à condition qu'ils soient dans la tradition. Il n'aimait pas du tout les artistes modernes de son époque. Quant à Madame Pasteur, elle n'était pas austère du tout. Elle était très enjouée, très vive, très positive. Alors que Pasteur se laissait aller quelquefois à des dépressions qu'il noyait dans le travail, elle était toujours là pour le porter. Il n'est pas très grand, le lit. Ouais. Un petit 1m60. Petit 1m60. Il y a ses chaussures, Adol. Hein. C'est du 37. Juste un coup d'œil par la porte-fenêtre ouverte. Orientation plein ouest. Donc l'après-midi, on grille un peu, on pasteurise en façade. Mais c'est vrai qu'on a un coup d'œil hein, sur la rivière, sur les vignes. Hein, qui, le jardin est très grand. Voilà, le jardin, voilà, c'est spacieux. Bon, c'est un jardin qui a été en partie pensé par Pasteur, sans doute entretenu aussi par sa femme, alors pas elle-même personnellement, mais du moins qu'elle veillait aux plantations. Par le jardinier, voilà. La famille Bouveret qui existe toujours. Toujours, oui. Enfin, il y a des gens qui viennent ici, ils sont vraiment très surpris parce que Pasteur, pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Et puis là, ils s'aperçoivent ben, que Pasteur, il a connu le grand-père de Monsieur Dumont, qu'il a acheté ses fleurs chez l'ancêtre des Bouveret, et que ben, voilà, que les gens ont eu des descendants et pour ici, Pasteur, c'est pas le monstre sacré, c'est juste quelqu'un qui a vécu ici, qui a eu un parcours formidable, sans doute, mais oui. Qui garde quand même, voilà, il y a quelque chose. C'est une gloire locale, mais en même temps, qui garde. Il n'est pas sanctifié, il n'est pas béatifié ici. Ailleurs, soit, bon, il est vilipendé par tous ceux qui considèrent que Pasteur a volé tout à tout le monde, et puis, ou alors il est encensé par ceux qui font son hagiographie. Oui. Ici, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On est vraiment dans une reconnaissance, hein, parce que les Arbosiens, je pense qu'ils sont fiers d'avoir mais Pasteur on quand en même. Pas mais on n'est pas dans l'adoration. Et pour autant, quand vous êtes dans les rues d'Arbois, il y a des plaques sur Pasteur partout. Hein. Oui, ici Pasteur. Il y a une avenue Pasteur. Voilà, il y a le graffiti de Pasteur dans le collège Pasteur. Il y a les morts de Pasteur au cimetière. Sur les maisons, il y a les laboratoires, et des plaques pour annoncer les laboratoires temporaires de Pasteur. Il y en a partout. C'est assez rare qu'un homme soit célébré de son vivant à ce point, Agnès oui. Descamps. Ah oui, c'est la gloire de Pasteur à la fin de sa vie et après sa mort a été absolument considérable. Je crois que c'est l'homme du monde qui a le plus de diplômes. Il y en a une pleine armoire qui a le plus de grands cordons, comme disait son gendre. Quand on lui donnait une décoration, c'était toujours au plus haut grade, immédiatement. Les médailles, ça se compte pas. Enfin, c'est étonnant, la gloire de Pasteur. Et au moment du centième anniversaire, le président de la République de l'époque a fait une tournée triomphale vers le Jura en utilisant la gloire de Pasteur pour sa propre propagande. Donc ça, c'est en 1922, c'est le centenaire de sa naissance. Oui, de sa naissance. Et ça, ça a été un événement considérable avec des délégations venues du monde entier. Imaginez que pour ces délégations, on a fait au château de Versailles, dans la galerie des batailles, un immense banquet. Et pendant ce banquet, le buste de Pasteur était au milieu de la galerie des glaces. Vraiment, il y a eu une période où le plus grand homme, c'était Pasteur. Dans les journaux, on faisait des sondages et Pasteur était au même niveau que Napoléon et Victor Hugo, et quelquefois avant eux. Alors, évidemment, lui, on en a fait une sorte de Christ. De saint laïque. De saint laïque, parce qu'il a sauvé des gens et il a sauvé des enfants. Et ça, c'est resté imprimé dans les mémoires. Vous savez, la fameuse histoire de l'enveloppe où quelqu'un avait simplement écrit comme adresse à celui qui fait des miracles. Et l'enveloppe est arrivée. Sans autre mention. Sans autre mention. Là, nous sommes au musée Pasteur, à l'Institut Pasteur, dans l'appartement qu'occupait Pasteur. On est chez lui, on est chez lui, on est dans son intimité, on est dans ses meubles, on est... Et vraiment, tout y est. Hein. C'est un musée d'ailleurs assez étonnant, parce que c'est à la fois donc, un musée d'hommes illustres, c'est un musée d'art, parce qu'on va rencontrer beaucoup d'objets qui sont signés par des grands artistes, que ce soit sculpture, peinture et autres. C'est un musée scientifique, puisqu'on a conservé les objets qui ont servi à toutes les découvertes de Pasteur. Et puis on a enrichi aussi avec d'autres objets scientifiques de tous les pasteuriens qui lui ont succédé. Et c'est un musée un peu d'ethnographie, hein, parce qu'on voit la vie au XIXe siècle, là, s'arrêter. Comment est-ce qu'on apprivoise ce monde-là, Annick Perrot ? Et qu'est-ce que vous avez comme rapport avec l'homme ayant passé 30 ans dans ses murs, dans son monde ? Moi, j'étais inquiète, d'abord, parce que je pénétrais dans un monde inconnu. Puis j'entrais chez Monsieur Pasteur. Donc je me demandais si j'allais être à la hauteur, d'abord. Vous et puis qu'il y avait de la matière. Je ne pouvais pas l'ignorer. Donc il a fallu que je l'apprivoise. Donc j'ai ouvert les tiroirs, j'ai ouvert surtout les dossiers de documentation. Je me suis imprégnée par cette histoire. J'ai été fouillée dans tous les coins et recoins pour connaître... en tant que conservateur, on se doit de connaître évidemment toutes les collections. Donc ça paraît évident. Et puis il y a ce poids, je sentais physiquement la présence de Pasteur. C'était peut-être un surcroît d'imagination, mais... Il est devenu un peu un compagnon dans votre vie ? Oui, mon mari en était parfois un peu jaloux, parce que j'en parlais peut-être un peu trop de Pasteur. Et puis voilà, on se pasteurise peu à peu, et puis on aime partager sa passion, la foi qu'on a en lui, quoi. C'est... Et puis on découvre le savant, bien sûr. On est admiratif et puis on découvre aussi peu à peu l'homme plus intime. Louis Pasteur, Valéry Radeau, petit-fils de Louis Pasteur. Vous serez peut-être étonné aussi, un petit peu plus loin, mademoiselle, de voir Pasteur à l'école normale avec son ami Bertin, qui était sous-directeur de l'école normale. C'est la seule, ainsi que je l'ai souligné, c'est la seule photographie de Pasteur souriant. Vous voyez le sourire de Pasteur. Pasteur souriait peu. Il était extrêmement grave, et toutes les photographies qui sont d'ailleurs dans cet album le montrent avec cette gravité. Mais s'il était très grave, il faut dire qu'il avait une gentillesse, une bonté, une tendresse pour ses petits-enfants et même pour tous ceux qui l'approchaient, extrêmement émouvante. C'était un homme bon, mais un homme grave. Vous avez travaillé combien de temps au musée Pasteur, Agnès Bertin ? Une dizaine d'années en tout. Oui. Et puis après, j'ai écrit La vie de Madame Pasteur, donc ça m'a pris encore un bon nombre d'années. Et une dizaine d'années, ça permet de se familiariser avec les personnages dans l'univers duquel on se trouve ? Oui, surtout que ce musée est assez magique, et donc on ne peut pas s'empêcher... de s'attacher à des gens dont on tripote tous les jours les petites affaires, dont on trouve des lettres, dont on trouve des objets émouvants. Je peux vous raconter une anecdote face au portrait de Cécile Pasteur qui est dans la chambre de Pasteur. J'étais donc chargée de l'inventaire de tous les objets du musée. Et un jour, j'ouvre un des tiroirs du chiffonnier de Madame Pasteur, qui se trouve dans cette chambre, et dans un papier de soie, je trouve une énorme natte blonde. Et puis, bon, j'étais un peu surprise, je lève les yeux, et je réalise que c'était la natte de cette petite fille, dont le portrait est au-dessus du chiffonnier, Cécile Pasteur, morte à 12 ans et demi, et qui est la troisième des filles de Pasteur qui soit morte enfant. Donc, ayant cette natte dans les mains et voyant ce portrait, j'ai été brusquement très émue. Surtout qu'on sait que les cheveux étaient coupés sur la tête des enfants juste au moment de leur mort. C'est Pasteur sur son lit de mort, là ? Oui, ouais. En compagnie de ses petits-enfants. Étonnant, hein, ces photographies. Trois portraits. Ouais. Le petit-fils avait le bras cassé depuis déjà quelques temps et ils avaient tout fait pour pas que Pasteur s'inquiète de cacher son bras. Et après, donc, Pasteur décède le 28 septembre 1895, donc à Marne-la-Coquette, entouré des siens et entouré de tous les médecins de l'Institut Pasteur qui se relayaient à son chevet. On conserve encore le cahier de Madame Pasteur, où elle raconte quasiment jour par jour, heure par heure, la fin de son époux. Je ne sais pas si on a beaucoup de photos de Pasteur dans les dernières années de sa vie, mais là, sur son lit de mort, on voit un vieillard. Avoir 73 ans au 19e siècle, certes. C'est hyper âgé, hein, ouais. Et lui, en plus, il est, voilà, depuis 46 ans, il est déjà très diminué. Il a fait une autre attaque à 67 ans. Et il a la parole beaucoup plus difficile. Hein. C'est un homme qui est usé, hein, pour le 19e. C'est sûr qu'à notre époque, 73 ans, c'est encore presque jeune, mais à l'époque, non. Ouais. Ceci est mon testament. Je laisse à ma femme tout ce que la loi me permet de lui laisser. Puissent mes enfants ne jamais s'écarter de la voie du devoir et garder toujours pour leur mère la tendresse qu'elle mérite. Louis Pasteur, Arbois, ce 25 août 1880. Son testament s'adresse exclusivement à sa famille. Bon, le testament scientifique, évidemment, il est d'une autre ampleur et évidemment consacré par l'Institut Pasteur et aussi la création des Instituts Pasteur dans le monde. Hein, ça, il l'a voulu aussi, mettre à la disposition du monde entier les vaccinations, enfin tout ce qu'il a contribué à créer pour la santé des hommes. Je pense que l'esprit pasteurien peut s'étendre au-delà de l'Institut Pasteur. Et il se perpétue comment, Michel Morange ? Il se perpétue... Ça, c'est une très excellente question. Comment peut se perpétuer un certain esprit dans une institution scientifique ? C'est pas évident. Hein. On pourrait dire par l'histoire. Au fond, il suffit d'évoquer le passé, de rappeler qui a fondé la maison, quels étaient les objectifs du fondateur. Simplement ça, c'est un peu idéal et idéaliste, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se moque un peu de l'histoire, souvent. C'est très regrettable, à mon avis, mais c'est malheureusement un peu vrai. On a beaucoup de jeunes chercheurs qui entrent à l'Institut Pasteur, qui connaissent rien sur Pasteur, rien sur ce qui a été fait, qui ne voient dans l'Institut Pasteur qu'un bon centre de recherche où ils pourront faire des expériences de qualité internationale, on pourrait dire. Donc je pense qu'il faut essayer de lutter contre ça, rappeler un peu le passé sans en faire des légendes, mais simplement rappeler quand même qu'il y a un héritage dont on peut être d'une certaine manière fier. Après Pasteur, célébration et continuation du grand homme. Avec Philippe Brugnot, médecin à Arbois, Annick Perrault et Muriel Hilersoul, conservatrice du musée Pasteur de Paris, Michel Morange, professeur de biologie à l'École normale supérieure, Jean-Pierre Dedet, pasteurien ultramarin, Sylviane Sauge, archiviste à la médiathèque de Dole, Sylvie Morel, conservatrice du musée Pasteur d'Arbois, Agnès Descamps, auteur de Madame Pasteur. Texte lu par Daniel Koenigsberg. Merci à l'Académie des sciences d'Outre-mer, à Aurélie Pertuison du service de presse de l'Institut Pasteur et à Laurent Valery-Radeau. Bibliographie sur franceculture.fr. Coordination Perrine Kervran, attachée de production Marie-Vonne Abolivier, Archivina Hervé Evano et Viviane Lefebvre, prise de son Sandrine Malon et Georges Thau, mixage Alain Joubert. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Ravik Zénine.